Le bal des permanentes et membres de l'Union des femmes pour célébrer le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il a lieu le 16 sur la place de l'Arc de Triomphe. Les femmes ont dansé accompagnées des chants « À ma chère étoile au-delà des nuages »,« Mon cœur et les étoiles », etc.